Voulez-vous me donner quelques verbes auxiliaires après lesquels on n'emploie pas le to? Ils sont suivis d'un infinitif sans le to, et c'est le cas par exemple de... Can? Can, could, oui. Could, must? Oui, pour le futur et le conditionnel. Would? Would, et pour le futur? Will. Will. Would. Will you? Voulez-vous? Should. Should et... Et shall. Très bien. Should et shall. Il y a aussi let, n'est-ce pas? Let's. Let's go. Yes. Let's go. Let veut également dire laisser, n'est-ce pas? Pas dans le sens de laisser quelque chose sur la table, mais dans le sens de permettre. Naturellement, avec let, on n'emploie pas le to, mais toujours l'infinitif sans le to. Let's go. Let's do it. Comment dit-on laisser le faire? Let's... He do it? Once more. Let him... To do it. Sans le to après. Do it. Let him do it. Yes. Let him do it. Laissez-moi travailler. Let me work. Right. Let me work. Yes. Yes. Laissez-moi faire. Let me do it. Yes. Let me do it. Ne le laissez pas partir tout seul. Don't let him leave alone. Right. Very good. Don't let him leave alone. Don't let him leave alone. Don't let him leave all by himself. Ça, c'est un peu plus fort. All by himself. All, tout. Par lui-même, by himself. Alone. All alone. All by himself. Toutes ces expressions veulent à peu près dire la même chose. Regardez. Regardez un programme. To look. To look, oui, ça veut dire regarder. Mais regarder, dans le sens de observer, regarder quelque chose, ça se dit comment déjà? C'était to watch. To watch. Et to watch, c'est un verbe régulier. Après watch, si vous voulez employer un verbe à l'infinitif, il faut employer l'infinitif sans le to. Par exemple, je l'ai observé, je l'ai regardé faire. I watched him do it. Right, I watched him. I watched him do it. I watched him do it. Et comment dit-on, je l'ai vu faire? I watched... Non, ça, ça veut dire regarder, n'est-ce pas? Mais je l'ai vu faire. I see. I saw it. Well, I saw him. I saw him. C'est la même chose que pour watch. I saw him do it. Yes, I saw him do it. Et je l'ai forcé à le faire. Forcer se dit to force. Alors, I... Forced. I forced him. To do it? Yes, I forced him to do it. Au lieu de dire I forced him to do it, on peut employer une expression moins forte que force. On peut dire j'ai fait qu'il le fasse. On emploie alors le verbe make. I made him do it. Alors, je l'ai poussé à y aller. I made him go there? Yes, I made him go there. Comment dit-on? Il doit partir maintenant. He must leave. Yes, he must leave now. Yes. Pour dire il n'est pas venu aujourd'hui, on dit... He didn't find... He didn't... Come. Right. He didn't come today. Il doit être malade. Il doit... Doit... He must be sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Yes. Thick. Ça veut dire épais. Sick signifie malade. He must be sick. He must be sick. Il doit être malade. Alors en français, quand on dit « il doit être malade »,« il n'est pas venu », »,« il doit être malade », ça ne veut pas dire « il faut qu'il soit malade », n'est-ce pas ? Mais « il doit être malade », c'est une probabilité, il est probablement malade. Vous êtes bien d'accord ? Mm-hmm. D'accord ? « Il doit être malade », ce sens-là est respecté en anglais dans la phrase « he must be sick ». On ne fait pas référence à une obligation. Il doit, il faut qu'il soit malade, mais à une probabilité. Il est probablement malade. Alors, comment dit-on « il doit » ? « He must ».« He must », mais ça dépend. « Il doit venir » se dit « he must come », dans le sens de « il faut qu'il vienne ». « He must be tired », ça veut dire « il doit être fatigué ». ».« Je crois qu'il est fatigué », d'accord ? Oui. Bon, si vous voulez dire en français « il a dû partir ce matin »« He had to leave ». Good. « He had to leave this morning ». En français, dans la phrase « il a dû partir », il y a un manque de précision parce que « il a dû partir » possède deux sens différents. « Il a dû partir ce matin », c'est le passé de devoir, n'est-ce pas ? En anglais, on dit alors « he had to leave this morning ». Mais prenons une autre phrase. Si on demande « est-ce qu'il est là ?»« Is he in ?»« Là ?»« In ?»« Is he in ?» Oui, il était là tout à l'heure. « He was in ?»« He was here ?»« He was in ?» tout à l'heure. « A little while ago ?» Il y a un petit moment. « A little while ». While. While. W-H-I-L-E. A little while ago. Ça veut dire un peu de temps, un moment. A little while. A little while ago. Signifie il y a peu de temps, il y a un petit moment. Alors, comment dit-on il était ici, il y a un petit moment? He was here a little while ago. Yes, he was here a little while ago. Et je ne le vois pas. I don't see it. Him. Him. Yes, I don't see him. Alors, je ne le vois pas, pourtant il était là. Eh bien, il a dû déjà partir. Dans ce cas, il a dû déjà partir ne signifie pas, comme dans l'autre phrase, il a dû partir ce matin ou il devait partir, mais plutôt, il est probablement parti, n'est-ce pas ? Vous êtes bien d'accord ? Mm-hmm. Il a dû déjà partir. Oh ! Il est probablement parti. Pour dire « il a dû partir » dans le sens de la probabilité, on dit « he must have ».« He must have » et après « have » le participe passé ? Exactement. « He must have » parti ?« Left ». ».« He must have left ».« He isn't in ».« He isn't there » veut dire « il n'est pas là ».« He isn't in ». Ou « he is not there ».« He must have left ». Il a dû partir. Vous voyez la différence entre « he must have left », il a dû partir, dans le sens de « il a dû partir déjà, il n'est pas là » et « il a dû partir ce matin, he... »« He have to... »« He... » »« He... » Non, c'est du passé. « Il a dû partir ce matin... Oui. » Il devait partir ce matin. He had. Right. Once more. He had to leave. He had to leave. This morning. This morning. Yes. He had to leave this morning. Et nous devons partir maintenant. Tous les outils de la langue sont désormais à votre disposition. Il ne tient plus qu'à vous de vous en servir et d'explorer la langue. La lecture en particulier est une activité très importante et vous serez probablement surpris de voir avec quelle facilité vous pourrez vous y consacrer. Procurez-vous des magazines dans lesquels sont publiées des interviews. C'est un bon moyen de vous familiariser avec le style parlé. Je vous conseille de lire en anglais une dizaine de minutes par jour, même si vous êtes fatigué et même si vous avez l'impression que c'est inutile. L'important est de le faire de façon régulière et 10 minutes par jour sont bien plus efficaces qu'une séance de 2 heures une fois par semaine. Tâchez de lire des articles sur des sujets qui vous intéressent. Évitez tout ce qui risquerait de vous ennuyer. À force de pratiquer, vous parviendrez à saisir l'essentiel de ce qui est dit. Et plus vous lirez, plus vous comprendrez. En ce qui concerne le vocabulaire, ayez recours au dictionnaire de préférence pour les mots-clés dans la compréhension d'un passage ou pour vérifier le sens des termes qui reviennent souvent dans le texte. Bonne chance et j'espère vous retrouver bientôt pour l'apprentissage de nouvelles langues.